Stephen King aime Lovecraft, Stephen King aime Londres, Stephen King a écrit Crouch End et Mark Haber l'a adapté. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock, je suis avec Chris, salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Tu vas tout répéter en double aujourd'hui ? Peut-être. C'est un nouveau concept pour rallonger le podcast. Exactement. Nous parlons aujourd'hui d'une nouvelle issue du recueil Rêve et Cauchemar et adaptée dans la série du même nom qui adapte des nouvelles donc de ce recueil et de Tout est fatal. Série donc... d'anthologie où plusieurs réalisateurs sont invités, on a déjà parlé de certains épisodes, je mettrai les liens des précédents dans la description si ça vous intéresse, pour en savoir plus, notamment sur le concept, le contexte de production générale de la série. Il n'y a pas du Danse Macabre aussi ? Petit Soldat, c'est pas dans Danse Macabre ? Petit Soldat ? Ah oui, si, peut-être, effectivement. Attends. Petit Soldat, Danse Macabre. Ah oui, donc oui, il y en a une de Danse Macabre. En plus, c'est une très bonne nouvelle, j'ai hâte qu'on tombe dessus celui-là. Je crois que la première fois qu'on en avait parlé, c'était pour la dernière affaire d'Omney, donc c'est là que vous trouverez toutes les informations sur les producteurs, le contexte général, tout ce qui revient sur tous les épisodes de la série. Ouais, c'est le premier épisode où on a traité la série, effectivement. Et depuis, on a fait Quand l'autovirus met cap au nord et Le cinquième quart. Je propose que nous nous lancions tout de suite. On va spoiler la nouvelle et l'épisode, qui dure une quarantaine de minutes. Oui, et puis la nouvelle, c'est 40 pages, donc... Oui, voilà, c'est ça, c'est pas non plus un truc à multiples twists. Si vous avez besoin de rattraper, c'est maintenant. Voilà, allez-y, ça prendra une heure. Du coup, on va attendre 40 minutes le temps que vous lisiez la nouvelle. Ah ouais, c'est bien ça, je laisse un blanc de 40 minutes en mettant une musique d'ascenseur. Je vais te boucler, toi qui fais ça, et je mettrai la vidéo 10 heures. Un YouTube poupe. C'est ça. Donc, Crouch End nous raconte l'histoire d'un... se passe dans un commissariat. Il y a une jeune femme américaine appelée Doris qui arrive paniquée, qui parle de son mari qui a disparu dans des circonstances bizarres. Et nous, on va suivre... son récit, mais à travers les souvenirs qu'en a un des deux policiers qui y a assisté et qui ne croit pas trop à son histoire bizarre, où en arrivant dans Crouch End, un quartier de Londres, elle est américaine et elle était avec son mari, donc en voyage de noces, enfin pas en voyage de noces, ils sont avec les enfants, mais l'idée c'est que ce quartier était étrange, qu'elle a eu des visions de créatures un peu monstrueuses, de choses semblant venues du passé, et elle a fini par perdre son mari qui aurait été dévoré par le quartier. Donc Crouch End, elle est d'abord publiée dans une anthologie de différents auteurs qui s'appelle New Tales of the Cthulhu Mythos, donc qui comprend des nouvelles autour de l'univers de H.P. Lovecraft. D'accord, c'est pour ça les refs à... Ouais, oui, là c'est Lovecraft. Totalement assumé celle-là. C'est le quartier où King a rencontré Peter Straub pour la première fois, Crouch End. Ah, d'accord. Et il s'était, semble-t-il, réellement perdu en y allant, d'où peut-être l'idée de cette nouvelle. Donc l'auteur avec qui il a écrit le Talisman. C'est ça, le Talisman et Territoire, qui est mort il y a pas très longtemps. Il y a maintenant 2 ans, il me semble. Ouais, c'est ça, à peu près. La nouvelle est nommée en 81 au British Fantasy Award de la meilleure nouvelle, mais elle ne le gagne pas. Alors c'est un peu rigolo parce que je suis tombé, en cherchant des avis sur la nouvelle sans espérer trouver grand chose, je suis tombé surtout sur des avis britanniques et c'est un peu polarisé, il y en a qui disent que ça retranscrit très bien le Londres et d'autres qui disent qu'on sent que c'est un américain qui écrit sur Londres quoi. Donc je sais pas où me positionner moi-même, mais bon voilà. Et la version livre audio est lue par Tim Curry, c'est quand même pas mal. Ah d'accord, voilà. Donc l'acteur qui a interprété Pennywise dans la toute première adaptation de ça. C'est ça. C'est tout ce que j'ai sur la nouvelle, je te propose de passer à ton avis. Écoute, on va être sur la même mouvance que que pas mal de nouvelles en fait de rêves et cauchemars, hein, c'est-à-dire une nouvelle divertissante qui fait vraiment bien le taf, qui a une bonne ambiance. Niveau développement, bon bah c'est pas non plus développé de fou, mais c'est largement suffisant pour que tu sois entraîné durant ta lecture et que tu passes un plutôt bon moment à la lecture, j'ai trouvé. L'aspect Lovecraft est plutôt bien foutu, parce que tout comme Lovecraft, on ne sait pas trop d'où vient la menace, c'est pas trop décrit, tu vois, il y a ce côté, menace qui surgit d'un coup, tu ne sais pas en quoi elle consiste, mais tu vas finir fou quand même. Je trouve que cet aspect Lovecraftien est parfaitement bien retranscrit. Je suis plutôt d'accord, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que une de ses qualités, et c'est rigolo parce qu'on aura parlé d'affilée de deux œuvres qui travaillent beaucoup sur les récits imbriqués. Oui. Le fait que ce soit le policier qui fasse ses recherches de son côté et qui se souvienne de la cliente, qui raconte son histoire, ça fait que t'as différents niveaux de perception qui se superposent et que donc il y a un récit où tu sais jamais déjà si les personnages ont bien compris ce qu'ont dit les autres, ça renforce la sensation d'égarement qu'on veut nous transmettre pour le couple Doris et Lottie. J'aime beaucoup le fait que le mystère vienne vraiment au fur et à mesure. Tu vois, il s'enfonce dans le quartier, au début il voit les espèces de motards, sauf que elle distingue pas trop bien les visages, alors elle s'imagine des visages plutôt monstrueux, avant de se dire « Ah non, finalement, c'était des êtres humains normaux. » Après, il y a tout le délire autour de ce chat, un peu qu'elle la face déformée par sans doute une baston avec d'autres chats. Vraiment, ça monte crescendo, en fait, le côté fantastique et horrifique Lovecraftien. Ouais, il y a les enfants, dont un a une main crochue aussi. Voilà. Ouais. Donc oui, ça arrive. Je trouve que la sensation d'égarement dans les rues est bien retranscrite. Alors, je sais pas si c'est parce que moi, je me perds très facilement et que tu me lâches dans un quartier de Londres. Effectivement, je pense que je finis sous un pont, hein, globalement. Mais ça, c'est bien retranscrit. La folie aussi. Ouais. Un personnage qui sombre peu à peu dans la folie. Ouais. Et je trouve que certains éléments de... En fait, certaines transitions sont bien travaillées. Tu sens pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant plusieurs lignes plus bas. Oui. Notamment la disparition du mari. Ça t'est pas dit que le mari disparaisse, c'est juste qu'à un moment on parle d'elle et de lui, et puis après on parle plus que d'elle. Oui. Et elle se rend compte que. Il faut un moment avant de réaliser que ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué le mari alors qu'il devrait être à ses côtés normalement. Oui. Ça, je trouve ça bien fait à ce niveau-là. Oui, on est d'accord. C'est vraiment une nouvelle très sympathique. Avec donc le policier qui... en fait, il y a un duo de policiers qui prend des positions. Il y a un peu l'ancien flic qui, lui, sait que le quartier est bizarre. Oui. Il a déjà beaucoup vu. Et il y a un jeune policier qui, lui, n'y croit pas trop, qui commence à avoir des doutes en voyant tout ce qu'on lui raconte, qu'il a de plus en plus de mal à remettre en question. Et qui va finalement s'égarer lui-même dans les rues de Crouch End à la fin. Oui, la fin est très... C'est pas tout rose, hein. C'est une fin totalement négative. Ah bah une fin, encore une fois, très Lovecraftienne, pour le coup. Oui, pour le coup, oui. Mais c'est marrant, parce qu'autant l'œuvre qu'on a abordée avec Un jour terminait de manière extrêmement positive, autant là, c'est le contraire. Ouais, parce que là, le mari a disparu. Le mari a disparu, on apprend que la femme, bon, est soignée, mais on apprend que, voilà, il y aura toujours quand même des petits soucis mentaux... Ouais. Qui la suivront tout le reste de sa vie. Et puis le jeune flic qui disparaît et qui laisse derrière lui des jumeaux à une femme. Ouais. Et le nouveau flic, enfin le vieux et flic. Et le vieux flic qui fait une crise cardiaque. Qui fait une crise cardiaque 6 mois plus tard. Voilà. Donc oui, vraiment l'idée qui est très présente chez Lovecraft, que quand on s'est trop approché volontairement ou involontairement d'éléments du mythe, ça finit mal pour nous, on en garde les séquelles toute notre vie quand on n'en meurt pas directement. Oui, voilà, c'est ça. Le fait de faire intervenir une espèce de Londres passé, mais d'un passé pas net, parce qu'il y a cette idée de cette référence aux druides, oui, qui est présente avec les Towen, pas mal de références à un Londres qui semble plus peut-être élisabéthien, quelque chose comme ça, un peu dur à classer. Mm. C'est assez intéressant, ça donne l'impression de toutes les périodes qui se mélangent au même endroit... Encore une fois, comme on peut avoir chez Lovecraft, avec des passés lointains qui reviennent. Oui, la temporalité aussi. C'est-à-dire, ils arrivent dans le quartier de Crunch End, il est aux alentours de 18h, on nous dit. Et au final, la nouvelle se termine au petit matin, alors que il s'est passé que quelques pages. Oui. Et que, dans l'esprit des personnages, vraiment, ils nous disent qu'il ne s'est rien passé. C'est-à-dire, elle regarde très souvent sa montre en constatant, on a fait un saut de 3 heures alors que on a couru le long d'une rue. Oui, donc sans qu'on sache si c'est que le temps est modifié ou si c'est que eux, il leur manque des bouts où ils seraient devenus particulièrement, particulièrement fous. Toi, en tant que lecteur, tu sais qu'en fait, c'est juste. Ils ont perdu des bouts parce que ça s'imbriquait mal entre les dimensions. Mm-hmm. Parce qu'il y a toute cette introduction aussi entre le nouveau flic et l'ancien flic là, qui lui parle du quartier et mentionne Lovecraft directement. Oui, effectivement. En tant qu'auteur qui a souvent écrit sur les dimensions, j'aime bien parce que le vieux flic a un côté très boomer au début en disant « Ouais, les auteurs du science-fiction ils nous emmerdent avec leurs trucs sur les dimensions. » ça se voit que la nouvelle n'a pas été écrite aujourd'hui avec les délires du MCU et tout, parce que King serait devenu fou. Alors que pour quelqu'un qui a écrit La Tour Sombre, quand même. Oui, voilà. Je pense qu'il y a un petit peu d'autodérision aussi. Oui. Parce que La Tour Sombre était déjà en cours d'écriture au moment de... Complètement, oui. Si c'est dans les années 90, on est dans la période, il devait en être au tome 3, oui, c'est ça, 4. Ce que je veux dire. Peut-être 4. Donc on était quand même bien avancé, on approchait du milieu, quoi. Oui, clairement, ouais. Mais donc, un bon moment, avec effectivement, pour les vraiment fans, vous reconnaîtrez des évocations directes de Yoxotos, et de formules aussi tirées de nouvelles, ce que disent les enfants notamment, qui peut en évoquer. Oui. Donc, un bon exercice de pastiche, mais dans lequel King arrive à bien apporter son univers aussi, je trouve. Oui, clairement, on est d'accord. Donc voilà, une bonne petite nouvelle. Une bonne nouvelle. Moi, vraiment, je la mets au même niveau que des dentiers claqueurs, tu vois, ce genre de nouvelles. Ouais, en fait. Peut-être même un peu au-dessus, moi, je pense. Oui, un peu au-dessus, mais dans le sens où tu la lis, tu passes un très bon moment. Clairement, dans quelques mois, tu l'auras oublié. Oui. Mais c'est une nouvelle, quoi. Mm. Donc, à partir du moment où tu passes un bon moment, finalement. Oui, le travail est fait. Voilà. On passe à l'adaptation ? Allez, passons à l'adaptation. On a des choses à dire. Donc, le scénario de cet épisode est de Kim Lemasters. J'ai pas trouvé beaucoup d'informations dessus, ça commence bien. Le réalisateur, c'est Mark Haber, qui n'a réalisé que cet épisode dans la série. C'est un des seuls, je crois, qui n'a réalisé qu'un épisode. Et en dehors de ça, c'est un réal de téléfilms et de séries. Alors, il a plusieurs fois travaillé sur une série qui s'appelle Risoli and Isles. Je ne connais pas, mais oui. C'est un des trucs les plus... Tu connais, toi ? De nom, c'est connu. D'accord, si tu le dis. Et il n'a rien de listé sur IMDb depuis 2018, et en téléfilm, il a surtout fait des films de genre, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé là-dessus. Au casting, on va avoir surtout un duo, pour cela, vraiment, il n'y a quasiment que deux personnages dans l'adaptation, à savoir Doris, jouée par Claire Forlani, donc une actrice qui a eu quelques rôles importants. Alors, de manière intéressante, assez tôt dans sa carrière, elle quitte le tournage de Un cri dans l'océan, en pensant que ça nuirait à sa carrière. Elle avait le rôle à la base de Famke Janssen, et elle est remplacée après 3 jours de tournage parce qu'elle s'est barrée. Ah bon ? Voilà. Bah, c'est dommage, parce que c'est un bon film. Oui, c'est ça. On a même déjà parlé dans ce podcast. Oui. Bon, après, elle a fait des bons trucs. Par exemple, elle est dans Rencontre avec Joe Black, c'est elle qui joue la fille d'Anthony Hopkins. Oui, exact. Et on a déjà dit qu'on aimait beaucoup ce film. Oui. Elle a un rôle aussi important dans Antitrust. Elle joue la codeuse qui travaille là-bas. Chez Microsoft. Oui, chez les méchants. Oui, objectivement chez Microsoft. Très bon film, Antitrust. Oui. Avec un très bon Bill Gates. Et bon, elle n'est pas que dans les trucs foufou. Elle est aussi dans Le Médaillon avec Jackie Chan, qui n'est pas un chef-d'œuvre quand même. Alors celui-là, il me semble que je ne l'ai pas vu. C'est pas fou. Hein. Oui. C'est mieux que Le Smoking, mais c'est pas fou quand même. Ah, c'est mieux que Le Smoking ? Ouais. Alors, c'est déjà ça, parce que Le Smoking, c'est vraiment très très très mauvais. Ouais, mais bon, du coup, ça veut pas dire grand-chose. Oui, là. Elle est aussi dans King Rising. Ah. Avec Jason Statham. Ah oui, d'accord. Réalisé par Uwe Boll. Oui, par Uwe Boll. Voilà, ouais. C'est ça. Hein. C'est ça. Mm. Ça explique peut-être que sa carrière est un peu ralentie dans les années 2010, malgré des rôles récurrents dans certaines saisons de NCIS et de Hawaii Five-Zero. Au bout d'un moment, quand tu joues pour le meilleur réalisateur du monde, ça ne sert plus à rien de jouer. Ouais, tu peux plus aller plus haut. Quand tu as fait du Uwe Boll, tu ne peux plus aller plus haut. Hein. Cela dit, heureusement que Jason Statham a mieux tourné, parce que... Faut admettre, ouais. Paysan, rappelons le nom de son personnage dans le film. Même s'il faut se méfier de... maintenant, avec tous les acteurs de Fast and Furious qui ont l'air partis pour tomber pour des affaires cheloues, j'espère qu'il n'y aura pas Statham dans le tas aussi. Oui, c'est vrai. Son mari est joué par Eyan Bailey, donc, qui a joué Pinocchio dans la série Once Upon a Time. Ah d'accord. Un rôle important dans Band of Brothers aussi. Oui. Et dans une série télé qui s'appelle Stalker. Voilà. Je ne connais pas, bon. Et nous, on le reverra dans un petit rôle dans Le Fléau. En fait, il reprend le rôle qui était le caméo de Stephen King dans la version de Mick Garris. Ah, d'accord. On le reverra. Ouais. Mais voilà, c'est les deux. Les autres personnages apparaissent vraiment pas beaucoup et sont des acteurs de séries télé et compagnie. Donc, j'avoue ne pas avoir noté. Le directeur photo, c'est Ben Nutt, qui a fait 4 épisodes de la série, dont quand l'autovirus met cap au nord, donc on en a déjà parlé. Mm-hmm. La musique, c'est le même que sur tous les autres épisodes, Jeff Beal. Là, honnêtement, la musique, je me suis dit qu'on dirait des pistes non retenues de la BO de Belphégor, le film. Bon, et la BO de Belphégor, c'est Bruno Coulet, je l'aime bien, mais non, musicalement, c'est pas très bien. C'est en fait, Belphégor, c'est déjà des pistes non retenues de Bruno Coulet pour plein de ses autres projets. Donc là, c'est vraiment, on dirait, les fonds de poubelle de Bruno Coulet. Belphégor, bon, en même temps, est un film fond de poubelle. Hein. Oui, mais bon, ça, je sais pas. C'est un chef-d'œuvre de notre cinéma français. Il n'y a qu'en France qu'on pouvait faire un truc comme ça. On a rien que l'idée, déjà, de ressusciter la licence Belphégor, au secours, quoi. C'est vrai que c'est le premier truc improbable. Qui en avait quelque chose à... Qui s'est dit, tiens, Belphégor, c'est une bonne idée. Bah, voilà, c'est ça. Tu te dis, bah, comment ça? C'était la... Il y avait une grosse mouvance, hein, résurrection de légende française à cette époque-là. Oui, bah, c'est la même période, grosso modo, qu'Arsène Lupin, Brocéliande. Je crois que même Le Pharmacien de Garde, c'est cette période-là. Et celui avec Depardieu, là. Vidocq. Ah oui, Vidocq, oui, oui. Tout ça, c'est un peu la même époque, effectivement. Ouais, ouais. Arsène Lupin a quand même un peu plus de qualité, quand même. Un peu, attention. Il est vraiment dur, quand même. Il est dur, Lupin. Mais Vidocq. Oui, il est mieux que Vidocq, oui. Brocéliande, s'il te plaît, quand même. Oui, non, Brocéliande, c'est horrible aussi, mais bon. Brocéliande. Tu regardes Brocéliande, tu regardes Le Pacte des Loups, tu fais ah oui, d'accord. c'est un peu la même époque, Le Pacte des Loups. Oui, bah. C'est peut-être le seul bon truc qui est sorti de cette mouvance. Hein. Je pense même que Brocéliande, c'est un peu une espèce de simili-plagiat, une tentative de surfer sur Le Pacte des Loups. Hein. C'est pas impossible. Mais c'est dommage qu'elle ait donné que des résultats nuls cette période du fantastique français, il y avait de quoi faire. Hein. C'est peut-être à cause de cette période-là que maintenant les producteurs sont réticents. Oui. En réalité, l'année dernière, on en a eu pas mal. À chaque fois, on nous dit qu'il n'y en a pas beaucoup, mais l'année dernière, il y a eu quand même pas mal de trucs. Mais en fait, le cinéma français produit pas mal de fantastique ou de SF, mais sans que ça soit forcément nous qui le réalisions à 100%. Oui. Bah après, l'année dernière, il y a quand même eu entre les trucs comme Mars Express. Le règne animal. Oui. Il y en a eu plusieurs autres quand même. Sur les derniers mois, surtout, il y a eu le nouveau de Philippot, non, j'ai oublié le nom. Acide, je crois. Acide. Ouais. Donc oui, si, il y a eu des choses. C'est juste qu'on n'a pas pu toutes les voir. En plus, il y en a pas mal qu'on a loupé, hélas. Il y a eu le Vourdalak, bon, qui était un beaucoup plus petit projet. Oui, petit projet. Qui existe quand même. Mais qui est très très bien. Mm-hmm. Donc où je pense qu'on y revient un peu et peut-être avec des trucs qui vont un peu plus marcher. C'est qu'on n'a pas eu nous sur Reims et que j'aurais vraiment voulu voir à sa sortie, c'est Gueule Noire. Ouais, effectivement, Vermine aussi, il y a eu. Vermine, dont l'annonce du format physique, là, putain, je pense que je vais le préco parce que. Une putain d'édition. Ah, j'ai pas vu. Bon, je regarde. Ouais. On va avoir le droit à une superbe édition avec plusieurs heures de bonus et tout, ça peut être intéressant. D'accord. Mais oui, je trouve qu'on multiplie un peu les films de genre quand même depuis quelques années, ce qui fait que ça va, c'est en train de se remettre. Mm. Je me sens moins coupable de pas aimer un film de genre français qu'il y a quelques années. Oui. Oui. Encore il y a 2 ans, avec Titane, ça m'ennuyait de pas l'aimer, par exemple. Je vois ce que tu veux dire. Viens vite! Arrête, arrête, arrête! Je peux plus, je peux plus! Ne me quitte pas d'une semelle! C'est ce que je fais! Où sommes-nous ? Crouch Lane et Norris Road. Ça ne me dit pas où nous sommes. Les idiots, ils savent même pas écrire town. Non, c'est en langue druidique. Je ne reconnais absolument rien. Et en plus, j'ai perdu ma veste, il manquait plus que ça. Non, tu l'as enlevée. Où sont passés les gens ? Elle était couverte d'une sorte de glu, non, tu l'as pas perdue. Non, je ne l'ai pas enlevée. Je l'ai perdue, c'est tout. Lonnie, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'il y avait de l'autre côté rien. De rien, je ne veux pas en parler. Lonnie, raconte-moi. Rien, je ne me souviens pas, c'est noir complet. On était là, tous les deux. On a entendu un bruit. Et je me suis mis à courir, c'est tout ce dont je me souviens. Pourquoi je me serais débarrassé de ma veste ? J'y tenais beaucoup. Et surtout, elle allait bien avec mon pantalon. C'est un épisode qui est mal reçu. Il est critiqué pour ses effets spéciaux, son rythme et sa réalisation. Oui, effectivement. Je l'ai vu plusieurs fois qualifié de pire épisode de la série. Et si c'est vrai, ça me va. François, pour passer à nos avis, je t'écoute. Putain, c'était nul. C'est nul. Il sortait du cœur, celui-là. C'était nul, oh la vache. Wow, je pense qu'il y a de quoi... Alors, il y a des passages où il y a de quoi alimenter les nuits d'Anarland. C'est possible, hein. Oh la ouais. Vache, oh, le chat. Il est dégueulasse, ouais. Ah, le chat, il est dégueulasse. Surtout la scène où il se fait emporter dans, ah, mais justement, dans le tourbillon. Non, mais, mais celle-là, j'ai failli exploser de rire. Déjà, le chat, la première fois, j'ai failli exploser de rire. Quand elle tape au carreau, là, pour lui, pour attirer son attention et qu'il se tourne, et tu vois cette modélisation 3D dégueulasse de sa cicatrice, là, tu fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais déjà, parce que dans la nouvelle, c'est à la vitrine d'un restaurant, elle s'approche et le chat se tourne vers elle, ok. Mais qui va toquer à la porte d'une maison d'habitation, une maison individuelle, pour un chat, c'est super intrusif. Imagine qu'il y ait les propriétaires à l'intérieur qui viennent ouvrir si quelqu'un toque. Ah oui, c'est bizarre, hein. Je sais bien qu'elle est américaine, mais même aux États-Unis, on fait pas ça, je pense. Le côté commissariat, bon, il est très vite passé aux oubliettes. Mm. Parce que l'épisode commence, mais de manière très brutale. Elle est au commissariat, elle parle et tout d'un coup, flashback. Après une séquence dégueulasse où tu vois une espèce de statue humaine dégueulée, une espèce de liquide noir. C'est très bizarre comme ouverture d'épisode, je trouve. Ouais, ouais. J'ai pas compris. Ah, mais... je pense que c'est pour nous donner l'idée d'un quartier vivant et un peu maudit. Ouais, moi je pense que la vraie explication c'est c'est une nouvelle de 40 pages, il faut meubler. Que ça tienne sur 40 minutes. Ouais. Je pense que c'est surtout ça la vraie explication. Ça a probablement joué, oui. Il y a le petit passage à la limite quand ils interpellent le premier taxi qui leur dit non, faut pas aller là-bas, messieurs, dames, s'il vous plaît. C'est très dangereux. Mm. Et puis après, t'as l'autre taxi qui leur explique tout et tu fais mais. Ouais, pourquoi, ça c'est très chiant. Mais pourquoi faire des explications ? C'est dommage parce que leur scène d'harmonie de couple au début, je trouve qu'elle marche pas mal. Toutes les scènes d'harmonie de couple fonctionnent. Ouais. Pour le coup, les scènes où. Où ils rigolent, où ils se font des blagues, même après des moments un peu crépis, quand ils se font des petites blagues, là ça fonctionne, c'est vrai. Je trouve que pour mentionner l'autre idée que je trouve sympa, la photo qui commence en étant plutôt lumineuse, plutôt colorée, qui, au fur et à mesure de l'épisode arrive à un quasi noir et blanc. Oui, oui. C'est dommage que ce soit moche à côté, parce que ça c'est plutôt bien pensé. Voilà, ça c'est plutôt une bonne idée, c'est vrai. Mais effectivement... Ouais, c'est à peu près tout ce qui marche en fait. Ouais, parce c'est que un peu le souci. Parce qu'après, il n'y a rien qui fonctionne. Quoi. C'est lent, vraiment. Il y a un gros problème de rythme. Visuellement, tout est dégueulasse. Ouais. Les effets spéciaux sont horribles. Le fameux chat, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des mimiques de réalisation qui sont immondes. Il y a le passage avec les gamins. Quand les gamins parlent, la caméra fait. T'as des gros zooms. Des zooms. <Ouais. rire> Des zooms vers les visages des enfants. Tu fais, comment ça Qu'est-ce qui se passe? Dans la scène du tunnel aussi, quand elle hallucine dans le tunnel, les effets de réel, t'as des accélérés, t'as des sauts, t'as des trucs, waouh, c'est... Avec le chat qui revient, qui du coup est en gros plan. C'est le monteur qui découpe ses premiers effets sur... Sur After Effects. Sur After Effects. Parce que vu la qualité, ça ne peut être que du After Effects, je suis désolé. Voire même, là, il a fait les effets à même Adobe Premiere, il est même pas passé par After Effects. Donc il y a un moment où le chat est gros, et donc... Il y a un gros face-à-face avec le gros chat, mais dégueulasse du coup, parce que lui il est totalement fait en 3D, immonde. Et il demande une clope à la meuf. Sauf que du coup ça marche pas, parce que le fait qu'il demande une clope dans la nouvelle, c'est parce que l'autre flic il squatte des clopes tout le temps. Oui. Ça fait un parallèle, alors que là du coup ça sort d'où. Un gros chat qui demande t'aurais pas une clope. Bah, c'est bizarre. Mais avant ça, on vous a pas parlé. Petite digression, on a eu des bons trucs avec un chat démoniaque. Oui, qui marche vraiment. Mais oui, le chat qui sort du bide. Ah oui, oui, voilà, oui, effectivement. Parce que tout ce qui me revenait en tête, c'était le clandestin et The Cat, le truc avec le chat de. le chat extraterrestre, le truc hongkongais. Mais donc il y a eu le. C'était quoi? C'était un. Oui, un chat d'enfer, ouais. Ouais, c'était un segment dans quel film déjà? C'était dans Les Contes de la Nuit Noire, ça je crois. Oui, c'était dans Les Contes de la Nuit Noire. Darkseid. Là, tu vois, pourtant, pour le coup, c'était réussi. Oui. Ouais, là, les tentacules à la fin, ils sont dégueulasses, surtout quand t'as le visage du mari qui apparaît dans un tentacule. Quelle horreur! Ah oui, au secours! C'est là, tel que je l'ai noté en regardant le truc, les tentacules sont aussi réussis que dans Zombias. Si vous n'avez pas la ref, allez voir, vous n'allez pas en revenir. Ça se trouve en entier sur YouTube, doublé en russe. Et attendez, on vous a pas encore parlé du passage avec donc le tunnel et le vortex. Oui. Ah, ça, c'est un passage extraordinaire. Bah c'est quoi, y a une espèce de tornade vortex dans le tunnel. C'est ça, qui attire les gens. Mais en fait, il attire tous les trucs bizarres que les deux personnages ont vus précédemment. C'est-à-dire d'abord les enfants. Non, d'abord les bikers avec leur tête de rat, là. Ouais. Ensuite les enfants. Non, ensuite le chat. J'ai failli exploser. Qui est tout figé, hein, on dirait vraiment qu'ils ont fait une découpe de photos. C'est dégueulasse. Je vois pas, mais à quel moment tu peux valider ça? Bah ouais. Le seul moment où tu peux valider, le seul cas dans lequel tu peux valider, c'est genre, ah, l'épisode est censé être diffusé dans une heure, qu'est-ce qu'on a? Bon bah on diffuse, hein, tant pis. C'est le seul cas. Il y a peut-être un peu de ça dans la manière dont ça a été fait. Hein. Je pense que c'est le seul cas où oui, normalement tu valides, quoi, parce que t'as plus le choix. Mmh. C'est soit ça, soit tu proposes une mire télévisuelle pendant 45 minutes. On appelle ça l'esprit Marvel. C'est vrai ça, Marvel avant l'heure. Ouais. Il y a quelques petits trucs, ok. Par exemple, les enfants à la fin, quand ils reviennent et qu'ils sont d'abord filmés en silhouette noire. Ah oui. Ça marche un peu, sauf qu'après on les voit et comme en plus ils jouent pas très bien. Oui. Ça retombe. Mais quand on les voyait que en silhouette, pourquoi pas? Bah, globalement, y a pas grand monde qui joue bien. Il y a que elle en fait qui joue plutôt bien. C'est oui. La seule, hein. Et puis lui, quand il est sympathique, quand il devient fou, oui. Ça passe plus. Quand il est normal, quand il devient fou, effectivement, c'est pas possible. Pour le coup, je trouve aussi que c'est beaucoup. Enfin, c'est vraiment un connard dans le téléfilm. En fait, dès qu'il vrille, ça devient un enfoiré. Bah, et puis même avant, avec son obsession à trouver la direction lui-même, quand il ment sur le commissariat. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Parce qu'il y a une scène où il va, qui est pas dans la nouvelle, où il va au commissariat, où il voit le commissariat qui a l'air d'avoir été défoncé par une bête furieuse. Oui. Et où il dit, en sortant, tout va bien, il n'y a pas de problème. J'ai pas compris cette réaction. Enfin, quand tu vois un commissariat qui a visiblement été attaqué par des animaux sauvages, tu dis pas tout va bien. Et puis après, tu te balades pas dans les rues tranquille, quoi. Oui, voilà, c'est à ce moment-là, il y a plus important que d'aller chez ton pote. Voilà, et c'est il ça. N'a pas l'air assez possédé par le quartier à ce stade-là pour pouvoir que ce pour, que pour soit déjà outre. L'explication. Oui. Donc, ouais, c'est... Et puis ouais, c'est long. C'est long, oui, ça dure le temps d'un épisode, mais t'as l'impression que ça dure trois plombes, quoi. Mm. Parce qu'il se passe tellement rien, il y a tellement aucun élément qui en sauve un autre, quoi, c'est surtout ça le problème. Et puis la sensation d'égarement ne marche pas, je trouve, ah oui, elle est mal contrairement filmée. À la nouvelle, oui. Alors que pour le coup, on est à Londres, et Londres, c'est quand même une ville qui a, dans certains quartiers, des rues un peu labyrinthiques. Donc je pense que ça aurait été assez facilement faisable, oui. Ça, en réalité. L'avoir raté, c'est vraiment dommage. Je pense pas qu'il aurait fallu beaucoup d'effets pour donner une impression que Londres est labyrinthique. Ah non, clairement pas. C'est pas New York, c'est pas une ville, c'est pas une de ces villes aux rues hyper droites. Bah oui, parce que tout simplement c'est pas une ville récente en fait. Oui. Parce que New York, à l'échelle humaine, c'est une ville relativement récente. C'est une ville qui a commencé à voir le jour alors que l'automobile était déjà là. C'est pour ça que c'est des rues droites et que tout est bien réfléchi et pensé. Oui. C'est pour ça que des villes comme Londres, Paris, en fait la majorité des grandes villes européennes ont des structures plus labyrinthiques parce que à l'époque les humains se déplaçaient à pattes. Oui, et puis on reconstruisait les quartiers au fur et selon à mesure. Les besoins au fur et à mesure, ouais. Voilà, c'est pour ça qu'il y a un aspect labyrinthique, c'est historique. Mais ça aurait été intéressant de jouer là-dessus parce que à la limite faire un épisode beaucoup moins spectaculaire vu que de toute façon il n'y avait pas le budget pour les spectaculaires et jouer juste sur l'égarement. Ça aurait peut-être été une bonne idée. Oui, parce que là, le spectaculaire se résume à le mari se fait agresser derrière les buissons, on fout la caméra dans le buisson, on secoue la caméra très très vite, ouais. Et voilà. Et ça fait un effet dégueulasse. Et après, il se fait expédier du buisson et cet effet-là est horrible aussi. Ah bah, il m'a beaucoup fait rire, moi. Ah bah, c'est un trampoline dans un film à bas budget thaïlandais. Voilà. Mais en fait, moi, ça m'a fait penser à une version de Faire ça en réussi, je sais pas si tu as déjà vu La Rose de Fer de Jean Rollin. Ah non, j'ai pas vu celui-là. Il est dans, t'avais pris il est dans le coffret, toi, je crois. Je l'ai, le coffret. Ouais. C'est un film, c'est juste un couple, justement, perdu dans le cimetière du Père Lachaise pendant la nuit. Et il se passe à peu près rien du film, si ce n'est qu'ils sont perdus et que donc ils marchent de tombe en tombe. Ouais. Pendant, c'est Jean Rollin, ça doit durer 1h20, c'est pas interminable, mais. Oui. Mais bah, tu vois déjà le rythme des Jean Rollin que tu as pu voir, c'est pas un excité. Hein. Oui. Mais là, il est encore plus contemplatif parce que réellement, il se passe rien du film. C'est juste un. Et tout est joué sur le fait qu'on est égaré, sur les éclairages et sur l'ambiance. Et je pense qu'il aurait fallu aller dans cette direction-là. D'accord. C'est vraiment, à mon avis, le budget du film, c'est de quoi soudoyer le gardien du Père Lachaise pour qu'il le laisse tourner de nuit. Globalement. Je pense qu'il n'y a pas eu trop de budget. Hein. C'est ça. Tu vois la catastrophe. Même les décors sont dégueulasses, hein. Faut pas se voiler la face. Y a pas grand chose de réussi dans cet épisode de Rêve et Cauchemar, hein. Je veux bien croire que c'est le pire épisode de la série. Ouais. C'est le pire de ceux qu'on a vus. Bah oui, vraiment, on dirait qu'il a moins de budget que les autres, c'est ça qui est étrange, alors qu'à mon avis, il distribue l'enveloppe à peu près égalitairement sur un truc comme ça. Bah je pense, ouais. Mais par rapport à quand l'autovirus met Caponard, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup moins d'argent. Bah oui. Et puis ouais, enfin, quand tu vois le travail... des décorateurs sur l'affaire Domnay, par exemple. Oui, aussi. C'est un monde, quoi. Qui avait moins de décors ça, et que des intérieurs, ça a peut-être joué. C'était plus simple, mais bon, effectivement, il était beaucoup mieux géré visuellement, là. Tout est beaucoup plus travaillé, hein. Mm. C'est vraiment, t'as l'impression de voir deux séries anthologiques, mais différentes. Mm. En fait, c'est incroyable. C'est incroyable, mais pas dans le bon sens. Et vraiment, le style très inégal du compositeur, aussi, qui avait fait du bon travail sur Domnay et qui, là, ouais. Ah, la musique, non. Elle est quelconque. Hein. Et puis on sent qu'il a pas pu se payer Lisa Gérard en plus. Dès que tu veux mettre un truc mystérieux, tu mets une femme qui fait des espèces de vocalises oui. En fond, comme dans Gladiator. Oui, oui. Bon, bah. Bah là, ouais, ça marche prenez pas. Du Dead Can Dance, prenez Lisa Gérard vraiment dans ce cas-là, mais ne faites pas ça. Oui, parce que là, ça marche vraiment pas. Ouais. Catastrophique de bout en bout. Donc, non, un épisode pas raté, mais tel que le dit ma dernière note, qui est un peu triste en fait, c'est j'ai vu plus nul, mais c'était nul quand même. Voilà. Je pense que ça résume. Ah, par contre, les scènes avec le chat, avec des potes autour d'une pizza avec un peu d'alcool dans le sang, je pense que c'est Princess. Ah c'est oui. Princess. Ça, c'est 2-3 effets, je pense qu'il y a moyen, ouais. Et la fin d'ailleurs avec le chat qui traîne trop. Ah oui. Qui traîne 3 plombes. Déjà c'était prévisible et ça marche. Enfin on s'y attendait. Mais en plus ça dure une plombe quoi. Disons la scène. C'est elle, donc elle est au commissariat. Le chat arrive. Et en fait le flic, parlant du chat, il le nomme par le nom en fait du mari. Du coup elle est perturbée et il explique oui c'est un chat qu'on a trouvé hier soir je crois ou ce matin. Et l'épisode finit sur ça, genre mind blow, mon cerveau a explosé, retournement de situation incroyable, le chat en fait c'est le mari, oh, dimension parallèle, mes couilles sur la commode, tout ça. Et t'as le chat en gros plan, mais en gros plan à mon avis c'est une photo du chat parce que ça ne bouge pas en fait. Oui. Et tu zoomes, et ils ont mis un effet dégueulasse sur la pupille du chat, celle qui reste normale. Mmh. Pour qu'elles grandissent, ils ont mis un vieux ronron qu'ils ont dû prendre dans une base de données gratos. C'est une fin. Non mais c'est une fin d'épisode. J'ai jamais vu un climax aussi miteux. C'est on dirait vraiment une version de travail en fait qu'ils avaient. Ils n'ont pas eu le temps de terminer l'épisode. Et oui. Ils l'ont fait comme ça, mais qu'ils l'ont même pas terminé pour le DVD. C'est limite ça. C'est limite à l'époque des DivX quand des fois t'avais des films qui tombaient et en fait ils n'étaient pas finis. Oui. Comme le fameux DivX Wolverine dont Esmodé a déjà fait une vidéo. Ouais, c'est ça, c'est à celui-là que je songeais. Voilà. Ça me donne presque envie de revoir Wolverine. Voilà. C'est bien, on va parler de youtubeurs qu'on apprécie à tous les deux épisodes maintenant. Ah oh bah en même temps, pourquoi pas, hein. C'est pas comme si beaucoup de gens nous écoutaient. Ah oui, c'est vrai. Mais du coup, on vous encourage pas à regarder Crunch End de la série Rêve et Cauchemar, mais on vous encourage à regarder le travail d'Asmodée. Ouais, c'est ça, aller voir des vidéos d'Asmodée à la place, ça a pas de rapport, mais c'est bien. Sur YouTube, c'est ça. Au moins c'est qualitatif. Mmh. Et il a l'habitude de parler de films que pas beaucoup de personnes parlent, et ça c'est appréciable. Oui, oui, il va vraiment chercher des trucs auxquels on ne s'attendrait pas du tout. Ben, le cinéma il fait qu'il un gros aime, taf lui. Là-dessus, oui. Ouais. Voilà. Comme nous, hein, tu vois beaucoup de podcasts dire que Darkseid, Les Ailes de la Nuit, c'est bien. Non. Voilà. Bah, c'est-à-dire qu'en même temps, pour pouvoir dire ça, on a dû regarder Une plâtrée d'enfants du maïs, The Mangler 3. Oui, c'est vrai. On a souffert dans notre chair pour pouvoir avoir cette connaissance de mon truc. C'est vrai. Oui, mais bon. Bon, pour découvrir Le Rapace Nocturne, moi, j'excuse tous ces films de merde. Bon, bah, je pense qu'on va passer à une scène, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à rajouter oui. sur ce désastre. Allons-y. Très bien, nous avons eu un peu de mal à choisir, d'une part parce qu'il y a pas mal d'endroits avec pas trop de dialogue dans l'adaptation, en fait le plus gros morceau de dialogue n'est pas dans la nouvelle, c'est toute la discussion avec le chauffeur de taxi, à l'inverse toutes les scènes avec les flics sont dans la nouvelle et pas dans l'adaptation, voilà. Au final on a opté pour une scène tirée plutôt de la fin, après la disparition du mari dans le tunnel, un peu les dernières visions les plus cauchemardesques que Doris a de Crunch End. Ou alors on leur met le rond du chat à la fin. Bon, je pourrais rajouter ça. Pareil, je ferai une version de 10 heures, tiens, comme de la musique d'ascenseur. Alors, du coup, nous sommes sur le recueil des nouvelles Rêves et Cauchemars, paru chez Le Livre de Poche. Nous sommes à la page 138, donc de la nouvelle Crunch End. Rêve et Cauchemar, nouvelle traduction de l'anglais par William Olivier Desmond. Norris Road donnait l'impression de s'étendre à l'infini, avec ses pavés et ses rails de tramway. Elle reprit sa marche, elle ne se serait pas crue capable de courir, même si elle le fit plus tard, selon ses propres dires, mais sans se remettre à appeler Looney. Elle était en proie à une épouvante sans nom, viscérale, d'une telle intensité qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un être humain pût l'endurer sans devenir fou ou tomber reine mort. Elle n'avait trouvé qu'un seul moyen d'exprimer cette terreur, et encore celui-ci, précisa-t-elle, n'était-il qu'une frêle passerelle jetée sur le gouffre qui s'était ouvert dans son esprit et son cœur. Il consistait à se dire qu'elle n'était plus sur la Terre, mais sur une planète différente, un endroit tellement étranger que l'esprit humain n'avait aucune possibilité de l'appréhender. Les angles, dit-elle, paraissaient différents, les couleurs paraissaient différentes, les... Mais c'était sans espoir. Elle ne pouvait que continuer à avancer, sous le ciel aubergine et convulsionné, entre les deux rangées d'immeubles imposants et surnaturels, et prier pour que cela prît fin. Ce qui se produisit. Elle prit conscience de deux silhouettes sur le trottoir, devant elle. Les enfants qu'elle avait vus un peu plus tôt avec Looney. De sa main en griffe, le garçonnet caressait les tresses en queue de rat de la fillette. « C'est l'américaine !» dit le garçon. « Elle est perdue !» dit la fillette. « Elle a perdu son mari, elle a perdu son chemin, elle a trouvé le chemin noir !» La route qui conduit dans l'entonnoir. Elle a perdu espoir. Elle a trouvé le siffleur des étoiles, le dévoreur de dimensions, le joueur de flûte aveugle. Ils débitaient leurs phrases de plus en plus vite, dans une litanie, sans reprendre jamais haleine, comme une série d'éclairs de phare. Elle en avait la tête qui tournait, les bâtiments s'inclinaient de plus en plus, les étoiles étaient visibles, mais ce n'étaient pas ces étoiles, les étoiles sous lesquelles elle avait fait des vœux, fillette, et était courtisée, jeune fille. Celles-ci étaient des étoiles démentes, distribuées en constellations délirantes. Elle porta ses mains aux oreilles, mais cela ne l'empêcha pas d'entendre, et elle leur hurla finalement « Où est mon mari? Où est Looney? Qu'est-ce que vous lui avez fait ?» Il eut un silence que rompit finalement la fillette. « Il est parti en dessous. Parti avec la boue aux 1000 chevreaux !» ajouta le garçon. La fillette sourit, un sourire malicieux, plein d'une innocente méchanceté. Il aurait été difficile qu'il n'y aille pas, non? La marque était sur lui. Vous aussi, vous irez. Looney, qu'avez-vous fait? Le garçon leva la main et se mit à psalmodier, la voix haut perchée dans une langue qu'elle ne comprenait pas, mais la sonorité des paroles suffit à la rendre presque folle de peur. C'est à ce moment-là que la rue a commencé à bouger, dit-elle à Vetter et Fairman. Les pavés se sont mis à onduler comme un tapis, se soulevant et retombant. Les rails du tramway se sont détachés et ont volé en l'air. Je m'en souviens très bien. Je revois encore le reflet de la lumière des étoiles dessus. Puis, les pavés se sont détachés à leur tour. Tout d'abord un par un, par paquet entier ensuite. Ils disparaissaient simplement, comme ça, dans le noir, avec un bruit d'arrachement, un bruit grinçant. Le bruit que doit faire un tremblement de terre. Et alors, quelque chose a commencé à passer au travers. « Quoi ?» demanda Vetter, qui se pencha en avant, la vrillant d'un regard inquisiteur. « Qu'avez-vous vu ? Qu'est-ce que c'était ?»« Des tentacules, » dit-elle lentement, en hésitant. « Je crois que c'était des tentacules. » Mais ils étaient aussi épais que des vieux bagnats, comme si chacun d'eux était composé de 1000 autres plus petits. Et il y avait des choses roses qui faisaient penser à des ventouses, sauf que des fois, c'était plutôt à des visages. L'une d'elles ressemblait à celui de Looney, et toutes paraissaient plongées dans l'angoisse. En dessous, dans l'obscurité, sous la rue, dans les ténèbres d'en dessous. Il y avait quelque chose d'autre, quelque chose comme des yeux. Voilà, voilà, et maintenant, la même scène dans l'adaptation. C'est l'américaine. Elle est perdue. Elle a perdu son mari. Perdu son chemin. Elle a trouvé le chemin des ténèbres. C'est lui qui mène au fond de l'entonnoir. Elle a perdu espoir. Elle a trouvé le siffleur des étoiles. Le dévoreur de dimensions. Le petit joueur de pipeau aveugle. Où est mon mari ? Il est allé par en dessous. Rejoindre le bouc aux 1000 chevreaux. Qu'est-ce que vous lui avez fait ? Il n'avait pas tellement le choix. Il portait le stigmate. Vous irez, vous aussi. C'est parfait, ma belle. Tu as réussi. Tu as tenu parole. On n'a plus qu'à rester ensemble. Pour toujours. Bon, ben voilà. Bah c'était bien. Oui oui c'était. C'était bien si tu, on. Tu l'as regardé en VO ou en VF toi, en VO. L'épisode en VO. Parce qu'en plus j'ai récupéré les VF sur celui-là, je peux te dire qu'elles sont au niveau. Hein. Bah écoute, c'est bien si on aime se rincer les yeux à l'eau de Javel après. Ouais c'est ça. Et vaut mieux. C'est vrai que vous avez pas le visuel, mais ça fait déjà profiter un peu de l'aspect sonore. Hein, voilà c'est ça. Mais effectivement le visage dans le tentacule, je comprends même pas en fait que tu te dises ouais on va reprendre l'idée. Passer les premiers tests quand tu te rends compte que ça passe pas du tout. Ah, c'est horrible. Mon vomi a vomi. Ce qui est rigolo, c'est que ça aurait pu donner un truc façon petit garçon, justement, dont on parlait dans l'histoire de Lissi la dernière fois. C'est vrai. Sauf que là, ça donne gros tas de merde. Ouais. C'est pas pareil. C'est ça. C'est deux choses différentes, tu vois. Ou alors quelque chose dans ce style-là. J'ai sous les yeux. Voilà, une photo de visage dans un anus dans Society de Brian Yuzna qu'on vous conseille. Oui, qui est un très bon film, lui, pour le coup. C'est ça. Mais Brian Yuzna n'a jamais fait d'adaptation de King, donc on n'en parlera jamais. Non, dommage. Il en a fait de Lovecraft, par contre. Oui, c'est vrai. Bah, ça donne une bonne idée de l'aspect musical et compagnie totalement excessif du film, du jeu un peu approximatif et du fait que... Que voilà, ça voulait trop en faire pour son propre bien, je pense. Ça voulait vraiment trop faire du spectaculaire. Clairement. Qu'est-ce qu'on fait ? On classe ? Eh ben, on classe, on n'a pas l'autre choix. Hein. Ouais. On est là pour ça. Thank you. Alors, le classement, comme d'habitude, je m'occupe du classement des écrits, alors que mon camarade s'occupe du classement des adaptations. Les écrits comptent à présent 52 titres, les 5 premiers étant Sac d'os, Cimetière, Ça, Charlie et Histoire de Lisée, qui vient d'atterrir dans le top 5 de notre classement depuis l'épisode précédent. Les 5 derniers, Le Radeau, L'Année du Loup-Garou, Dr Sleep, Le Cinquième Quart et Grand Chauffeur. Crunch End, comparatif déjà avec, d'autres nouvelles de Rêve et Cauchemar, ça sera pas avec Le Cinquième Quart, qui est du coup avant-dernier. Oui. Crunch End, Crunch End. Pour moi, c'est mieux que L'Autovirus aussi. C'est mieux que L'Autovirus, mais Caponor. Mais peut-être pas mieux qu'Upnay, par contre. Peut-être pas mieux qu'Upnay, c'est pas mieux que La Presseuse non plus. Ouais. Pour faire un comparatif avec une autre nouvelle. Ni dans les hautes herbes. Ouais. À partir du Bolide, moi, je préférerais Crouch End. Ouais, moi aussi. Moi, pour moi, oui. C'est mieux que le Bolide. J'ai bien aimé le Bolide, encore une fois, pour son traitement sur le deuil et tout. Et décidément, du coup, ça a fait aussi 2 heures qu'il aborde le deuil dernièrement. Ouais, ouais, c'est vrai, entre ici et le Bolide. Et le Bolide. Mais pour moi, ouais, c'est quand même... Donc, ça lui ferait la 33e place entre Dans les Hautes Herbes et Un Tour sur le Bolide. Yes. On a mis Un Tour sur le Bolide au-dessus de Rapace Nocturne. Après, quoi que c'est surtout le film de Rapace oui, Nocturne. Oui, c'est surtout le film qui était vraiment... Même si la nouvelle était loin d'être dégueulasse. Hein. Oui. Non, en fait, oui, le film apporte bien plus de développement. Oui, pour ça. Voilà. Et il a un très bon acteur principal et des effets vraiment cool, le film. Ouais. Ça avait été vraiment une agréable surprise. Oui, clairement. Au niveau des films, justement, aux 5 premières places, nous avons Carrie au bal du diable de Brian De Palma, Chambre 1408 de Michael Avstrom, No Smoking d'Anurag Kashyap, Dead Zone de David Cronenberg et Shining de Stanley Kubrick. Et aux 5 dernières, sur 74, nous avons Les Enfants de Salem de Larry Cohen, Children of the Corn Genesis de Joël Soisson, The Mangler Reborn d'Eric Garner et Matt Cunningham, Doctor Sleep de Mike Flanagan et Room 238 de Rodney Asher. Toujours une grosse merde. Hein, oui, toujours une grosse merde complotiste. Voilà. Et là, bah, on va nettement moins remonter. Quand même. Oui. Oui, clairement. Bon, c'est pas aussi nul que Mangler Reborn. Hein, mais... Non, pas que Mangler Reborn, ni que Genesis et les Enfants de Salem. Hein. Non. Mais bon. Peut-être... Je préfère Mangler 2. Hein. Ouais. Je préfère Mangler 2. En fait, peut-être au-dessus de The Mist de Christian Thorpe, parce qu'au moins, il n'y a pas le côté homophobe chelou. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est moins long. Et c'est moins long, parce que ça reste que 40 et quelques minutes. Et au moins, il y a un vortex et un chat. Oui, c'est ça. C'est ça. Il... En fait, il est dans la zone des trucs qui deviennent drôles involontairement. Hein, voilà, où effectivement, tu te dis, ah tiens, ça, je l'enverrais bien à Nanarland. Bon. Voilà. Mm. Allez. 69e place entre The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright et The Mist de Christian Thorpe. Ça me va. Mais entendons-nous bien, ça reste quand même de la merde. Ouais, ouais, voilà, c'était pas brillant. Hein. Là, on est dans la zone pas intéressante et ça en fait effectivement le moins bien classé pour l'instant de la série Rêve et Cauchemar. Yep. Alors, pour le tirage au sort, on a un petit souci, c'est que j'ai oublié le... La boîte. On a oublié le chapeau. On réenregistrera dans un deuxième temps dans ce soir, en distanciel, mais donc ce sera à rajouter à l'épisode. C'est pour ça que le son aura changé. Oui, voilà, ne vous étonnez pas s'il y a des changements sonores. C'est un insert. Voilà. Très bien, donc comme nous l'avions dit, nous voilà réunis à distance pour faire le tirage au sort, maintenant que je suis rentré chez moi et que j'ai de nouveau accès au chapeau. Yes, le donc, chapeau, le chapeau. C'est moi qui tire le premier, donc ça, pas de souci. T'entends bien que ça s'agite. Yes. J'ai un papier. J'en ai même plusieurs, donc je n'en prends qu'un. Et j'ai pioché Rose Red de Craig Baxley, qui est donc un scénario original de King pour la télévision. Et on a déjà fait la suite de Rose Red, puisque c'était le journal de Bauer qu'on a fait il y a... longtemps maintenant. Oh, il y a longtemps. Le déménagement n'avait pas encore lieu et on l'avait fait en période de confinement, il me semble. C'est possible que ce soit un des épisodes qu'on avait fait en distanciel, ouais. Ouais, ouais. Du coup, c'est marrant de tirer, oui, l'original en distanciel. Oui. C'est et rigolo. Donc, rien à lire pour le prochain épisode. Non, rien à lire. Et puis, dans l'ensemble, les productions Craig Bexley, sans avoir été fan à mort, à part de Kingdom Hospital, qui est bien classé, c'était plutôt raisonnable. Donc, Oui, c'est pas dégueulasse. On a fait donc Hélène Ringbauer et La Tempête du siècle, il me semble. Ouais, c'est ça. C'est de lui aussi. Très bien, et bah vas-y, agite, et je te dis stop. Est-ce que tu agites ? Oui, j'agite. Et pas bien, que les petits stop. Papiers. Alors, j'en ai un. Ouais, ça me fait peur. Et j'ai pioché Cimetière 2 de Marie Lambert. Ah ! Putain, il n'y a absolument rien à lire pour le prochain mois. Effectivement, ça va être une étape un peu plus repos prochain mois, surtout que c'est... Alors, je crois que Rose Red, c'est 2 épisodes d'une heure et demie, ça doit être le même format que La Tempête du siècle. Ouais, je pense. Cimetière 2, bon, c'est un film classique. Voilà, c'est donc, ça. À mon avis, s'il fait plus d'une heure trente... Ouais, non, je pense pas. J'espère que ce sera bien. Du coup, parce que ce sont deux choses que je ne connais absolument pas, pour le coup. Eh ben moi non plus, ça va être totale découverte pour nous deux, parfait. On va quand même vous dire au revoir aujourd'hui, donc on ne sait pas ce qu'on fait dans 2 semaines. Voilà. Ce sera la surprise. Et donc du coup, vous pouvez quand même retrouver, en attendant, Issam, @cinémaarchiviste, sur Twitter et sur Blue Sky, c'est pareil. Alors que moi, c'est Chris-8, Lost Tales, sur Twitter, et -6, sur Blue Sky. Ouais. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, nous mettons tous les liens dans la description. Voilà. Et en attendant, n'oubliez pas que le vidéoclub de Castle Rock est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. A plus. Salut.